heure qui pense finir. Je n'ai pas d'heure. Pourtant, je t'ai observé et tu n'as vraiment pas l'air préoccupé par le temps. Sauf que ça passe pas assez vite. Tu te trompes, c'est sûr. Non, tu crois ? N'essaie pas de changer de discussion. Mais je n'essaie pas de changer quoi que ce soit. Si tu essaies toujours de condamner mes propos. À cause de ta religion ou de tes idées politiques. Cela n'a rien à voir avec tout ça. On ne peut vraiment pas discuter avec toi. C'est impossible. Je me demande comment je fais pour te supporter. Tu te souviens ce qui est arrivé hier soir? Tu as commencé par tout casser, sans tous les objets de ma pauvre tante. Ensuite, c'était autour du vase de madame, et pour finir, grite. Résultat? Une année entière en poussière. S'il fallait énumérer tous les défauts de mes gestes, ça n'arrêterait pas. Bon, allez, j'arrête là. Toujours le dernier mot, tu vois. Non, non. Recommence pas. Je fais ce que je veux. Un jour, tu seras en position d'infériorité. Et tu me supplieras à genoux. Plutôt mourir d'ennui. Bonne nuit, quand même. Bonne nuit, à toi aussi.